La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être là au premier jour d'une semaine consacrée, une fois n'est pas coutume, à cette autre grande forme de fiction actuelle que sont les séries télévisées. Dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Anthony Thomasson. Alors on commence à présent à avoir le recul nécessaire pour que l'université se soit emparée d'un certain nombre d'œuvres télévisuelles d'importance et qu'il soit possible d'en constituer une première archéologie. Au commencement, il y avait donc Oz, cette série américaine sur la prison qui date de 1997. Il y eut ensuite The Wire, qui a déjà fait l'objet d'une semaine dans la compagnie des auteurs. Et à ces socles, il faut ajouter deux autres monuments qui sont Six Feet Under et Les Sopranos, ces deux séries dont nous allons parler ici. Jusqu'à jeudi. Jeudi où nous nous intéresserons en première partie à la thématique du rêve dans ces deux feuilletons et en seconde partie à celle du temps. Ce sera avec Sarah Atuel et Jean-Pierre Eskenazi. La veille, nous aurons analysé les grands thèmes de Six Feet Under avec le philosophe et écrivain Tristan Garcia. Et puis la veille encore, mardi, Emmanuel Burdeau nous aura parlé de la passion de Tony Soprano pour reprendre le titre du livre qu'il a fait paraître aux éditions Capricci et qui est centré sur ce personnage de légende. Et aujourd'hui ? Uè Cliff Giovanni, anche tu GMB, sei tutto un bravo coglioni. E per questo motivo vi voglio dare la possibilità di entrare a far parte della famiglia di Cosa Nostra. Aujourd'hui, pour une première analyse de la série Les Sopranos, nous sommes avec Florent Loulandeau, traducteur en français des mémoires de William Friedkin, que l'on trouve aujourd'hui en Point Seuil. Il a également collaboré au dictionnaire des séries télévisées des éditions Philippe Ray et il a écrit, c'était avec Frédéric Foubert, l'essai intitulé Les Sopranos, une Amérique désenchantée, publié au PUF dans la collection Série. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Projection screen in their media room was big as the small ones at AMC. I heard Mr. Pillsbury is some kind of financial corporate whiz or something. Dude, you're the Pillsbury Doughboy. Shut up. Hey, AJ. How come your dad doesn't have that Don Corleone money? I don't know. 4 or 5 where I've been circumcised, time stands still when the murder's on the rise. Any last words? Give my regard to Tony Soprano, Soprano, Soprano. Et on vient d'entendre un extrait des Sopranos dans lequel un ami de AJ, le fils du mafieux Tony Soprano, lui demande pourquoi son père ne gagne pas autant d'argent que Corleone dans Le Parrain, ce à quoi AJ répond qu'il ne sait pas. Bonjour Florent Loulandeau. Bonjour. Que répondriez-vous à cette question? Pourquoi est-ce que finalement Tony Soprano ne gagne pas autant d'argent que Corleone? Sans doute parce que Tony Soprano est plus proche des vrais parrains de la mafia qui pourraient exister à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, qu'il ne l'est de la mafia dans sa splendeur, dans son âge d'or des années 40, tel qu'on peut le voir dans Le Parrain. Vous voulez dire qu'il est plus proche de la réalité alors ? Il est certainement plus proche de la réalité, à mon sens. Il me semble que une des caractéristiques principales de cette série, quand elle a débarqué sur les écrans en 99, c'était une forme d'hyper-réalisme qu'on avait, pour ainsi dire, jamais vue, il me semble, à la télévision. En tout cas, pas en ce qui concerne la mafia. C'est peut-être aussi parce que c'est tout simplement un mafieux de seconde zone, Tony Soprano. Ah oui, on peut aussi le présenter comme ça. Effectivement, Tony Soprano fait partie de la mafia du New Jersey, qui est souvent vue comme la banlieue de New York, la banlieue parfois un peu beauf, vue par les New-Yorkais. Et donc, effectivement, ce n'est pas la mafia dans ce qu'elle a de plus, de plus glamour. Glamour, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Les Sopranos, ça n'est pas une série de seconde zone, c'est même une série qui est devenue totalement culte avec les années. C'est vraiment l'une des pierres angulaires de ce qui a suivi, de la création de fiction télévisée qu'elle a contribué finalement à créer. Oui, absolument. Vous parliez tout à l'heure d'Oz. Il me semble que avant Les Sopranos, quelques séries ont commencé quand même à changer la donne. Au début des années 90, il faut citer Twin Peaks, qui a été une influence pour Chase, David Chase, donc le créateur des Sopranos. C'est même en voyant Twin Peaks qu'il a pensé qu'il arriverait à faire de la télévision autrement. Tout à fait, puisque lui, donc David Chase, est quelqu'un qui a travaillé au sein de l'industrie télévisuelle pendant 20 ou 30 ans, mais dont l'unique désir avait toujours été de faire du cinéma. Et donc, Les Sopranos naît d'une certaine façon de cette frustration de ne pas être cinéaste. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, en voyant Twin Peaks à la télé, comme tous les Américains et les Français, il se dit que quelque chose est en train de changer et que peut-être lui aussi peut introduire des thèmes plus adultes, une esthétique différente au sein de la télévision américaine. Et donc, après Twin Peaks, il y a effectivement Oz sur HBO. Il me semble que c'est en 97, quelque 97, chose comme ça. C'est ça. Et 97, c'est l'année où Chase tourne le pilote des Sopranos, l'été 97. Tout en se disant qu'il y a assez peu de chances pour que la série, enfin pour que HBO donne suite et qu'il y ait véritablement une série. Le plan secret de Chase, c'était de tourner le pilote et puis éventuellement, après un refus d'HBO auquel lui s'attendait, de diffuser la série, de constituer un long métrage à partir de ce pilote. Finalement, lorsque le pilote est diffusé, il a un succès tout de suite immédiat, autant dans le public que dans la critique. Qui est difficile à comprendre d'ailleurs, cette concomitance entre un très grand succès public et un succès critique. Et finalement, c'est assez historique dans l'histoire de la série télévisée, parce que ça va ouvrir tout un champ qui crée quand même beaucoup ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ce que certains spécialistes appellent le troisième âge d'or des séries. Donc le premier âge d'or, c'est les années 50-60. Un second qui se situerait peut-être dans les années 80. Et puis, à la toute fin des années 90, Les Sopranos ouvrent grand la porte devant un nouveau champ dans lequel vont s'engouffrer tout un tas de créateurs, dont certains seront issus des rangs des scénaristes des Sopranos, comme par exemple Matthew Weiner, qui créera Mad Men quelques temps plus tard. Et puis, évidemment, il y a Breaking Bad, il y a The Wire. Mais toutes ces séries qui sont maintenant célébrées viennent quand même après Les Sopranos, qui parfois est un peu oublié par rapport à The Wire ou Breaking Bad. Ah bah nous, on l'a pas oublié. Hein. Vous avez vu 86 épisodes, 6 saisons et un luxe indécent. C'est ce que vous dites. Entre certaines des saisons, David Chase décide qu'il va prendre 2 ans de réflexion. Oui, alors David Chase est un homme extrêmement exigeant. Il l'était déjà en tant que scénariste pour la télévision lorsqu'il travaillait sur d'autres séries dans les années 80-90. Et donc, en créant sa propre série pour la première fois, il a des exigences de cinéaste. C'est-à-dire qu'il exige une liberté artistique et créative totale. Dans certaines interviews, il explique que c'est soit on suit ce qu'il veut, soit il n'y a pas de série, tout simplement. Et comme la série rencontre un succès assez tôt, HBO va donner carte blanche à David Chase, notamment financièrement. Il va pouvoir, par exemple, effectivement prendre le temps d'écrire entre chaque saison le temps qu'il faut, mais aussi les temps de tournage vont passer de 7 jours pour un épisode, ce qui est un temps de tournage standard. Puis on va passer à 10-12 jours, et puis finalement 20 jours, ce qui fait que chaque épisode des Sopranos est presque comme un petit film qui se suffit à lui-même. et même peut-être un film d'auteur, parce que David Chase a mis beaucoup de lui-même dans cette série, au point qu'on peut considérer, d'ailleurs je crois que lui-même l'a dit, que c'était une série en partie autobiographique. Alors quand on sait que c'est l'histoire d'un mafieux qui va s'allonger sur le divan d'un psychiatre, on se demande à quel point ça peut lui ressembler, Florent Loulandeau. Alors, le point commun principal entre Tony Soprano, le héros de la série, et David Chase, c'est la figure de la mère, qui était en fait le point de départ de l'idée de David Chase. Son idée, il l'a en 95. On lui a apparemment proposé d'adapter pour la télévision Le Parrain. Bon, il rejette l'idée assez vite en se disant qu'elle est un peu ridicule. Mais il commence à se former dans son esprit l'idée d'un parrain qui aurait une mère un peu bigger than life, comme on dit. Extravagante. Un peu extravagante, autoritaire, tyrannique, castratrice. Et son idée, c'est qu'à la mort du père du mafieux, s'engage une lutte à mort entre le mafieux et sa mère. Ouais. À partir de là... mort, et c'est vraiment à mort, puisqu'à un moment donné, la mère souhaite la mort de son fils. Oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est le point de départ de la série. C'est le personnage de la mère. Et, alors lui, il avait des relations avec sa mère qui étaient à ce point tendues. Apparemment, d'après les interviews, d'après ce qu'on peut lire, sa mère qui s'appelait Norma, donc les deux parents de David Chase sont d'origine italienne. Le vrai nom de famille du père de David Chase, c'est De Cesare, qu'il a changé en Chase avant la naissance de David Chase. Et effectivement, il décrit sa mère comme une femme qui jouait souvent les victimes à outrance pour mieux contrôler son père, pour mieux contrôler la famille. Il a apparemment beaucoup des anecdotes qu'il diffusait sur sa mère ont été reprises dans de nombreuses séries à travers ses amis scénaristes. Et puis un jour, il s'est dit, bon, il est peut-être temps d'en faire quelque chose pour moi, pour la série que je vais créer. Alors, comme inspiration aux Sopranos, il n'y a pas que la mère de David Chase, il y a aussi ce film-là. Beth, Don Corleone. I need a man who has powerful friends. I need $1 million in cash. I need Don Corleone, those politicians that you carry in your pocket, like so many nickels and dimes. What is the interest for my family? 30%. In the first year, your end should be $3-4 million. And then it would go up. And what is the interest for the Tatari family? La compagnie des auteurs sur France Culture, et vous avez reconnu évidemment Florent Loulandeau, cet extrait du Parrain de Francis Ford Coppola. D'ailleurs, on entend hein, rien qu'au son une certaine esthétique du film mafieux. Est-ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit ce grand film, et peut-être aussi Les Affranchis, hein, l'autre grand film de mafia, celui-là de Scorsese, pour regarder Les Sopranos, autrement dit, finalement, cette série qui vient après ces deux chefs-d'œuvre doit s'inscrire obligatoirement, on l'imagine, dans une certaine forme de filiation. Alors oui, il y a une filiation entre la trilogie de Coppola et aussi les films de Scorsese et Les Sopranos. Et elle se joue à plusieurs niveaux dans la série. Il y a une espèce d'intertextualité qui est extrêmement présente et extrêmement féconde. Et qui prend quelle forme ? Alors, une des formes, c'est tout d'abord le fait que les personnages des Sopranos sont eux-mêmes de grands fans des films de Coppola et de Scorsese, et donc ils les citent abondamment, ils s'y réfèrent tout le temps. Ce sont pour eux des espèces de figures tutélaires qu'ils admirent, alors, et ils voudraient ressembler à ces personnages. Surtout les seconds couteaux de Tony Soprano. Tony lui-même a une espèce de distance qui fait qu'il est quand même un petit peu moins dans l'admiration béate. Par ailleurs, il y a d'autres filiations assez intéressantes. Par exemple, un bon nombre d'acteurs des Affranchis, qui est le panthéon avoué de Chase, un bon nombre de ces acteurs se retrouvent dans Les Sopranos, là où ils avaient des petits rôles un peu secondaires, ils prennent la première place et se révèlent d'ailleurs d'immenses acteurs. Mm-hmm. Donc c'est une référence constante au parrain, mais en même temps il y a des clins d'œil, il y a du détournement et on est presque dans une démarche qu'on pourrait qualifier de post-moderne, oui. Finalement par rapport au classicisme que représenteraient ces deux grands films de mafioso, de mafiosi. Oui, absolument. Donc, les références aux parrains et aux affranchis, elles se retrouvent dans plein de strates différentes de la série. Et puis, évidemment, pour Chase, lorsqu'il crée Les Sopranos, il doit se démarquer d'une certaine façon de ses œuvres monumentales. La première démarcation, à mon avis, c'est le fait que Les Sopranos se déroulent dans le New Jersey et pas à New York. Mm-hmm. Ça a même été tourné dans le New Jersey. C'était très important pour David Chase que ce ne soit pas tourné sur la côte ouest des États-Unis. Oui, il a souvent dit que pour lui, le New Jersey était en fait le personnage principal aussi de sa série. Donc, avec cette culture différente de celle de New York, ce côté banlieusard, banlieue blanche, un peu aisé, middle class. Ce qu'il va amener Chase à travers ce pas de côté, c'est une étude à la fois ample et extrêmement précise de ce qu'est la vie dans une banlieue blanche à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'à travers la figure de Tony Soprano, de sa famille et de tout la myriade de personnages qui existent autour de lui, on a un portrait extrêmement précis de l'Amérique de la fin du XXe siècle. Oui. Ce qu'on a peut-être pas quand même dans Le Parrain en tout cas, mais peut-être qui était déjà en amorce dans Les Affranchis. Oui. Vous parlez aussi d'une autre grande référence, c'est celle du cinéaste William Wellman, mm-hmm. et notamment son film L'ennemi public, mm-hmm. Que David Chase a découvert enfant à la télévision. Ça, on retrouve aussi cette influence-là dans Les Sopranos. Oui, je ne sais pas si on peut parler d'influence. Par contre, Chase revient souvent dans ses interviews, parle souvent de ce film dans ses interviews. Il explique qu'il l'a vu effectivement à l'âge de 10-11 ans, qu'il avait été extrêmement marqué à la fois par la violence du film et en même temps par le fait que peut-être la première fois dans sa vie, il avait l'impression de voir sa famille à la télévision. Alors peut-être pas ses parents, mais sans doute la génération d'avant, c'est-à-dire les premiers immigrants italiens arrivant aux États-Unis. Ça l'a profondément marqué. Et d'une certaine façon, en créant le monde des Sopranos, il revisite aussi son enfance, c'est-à-dire la communauté italo-américaine telle qu'elle existe dans le New Jersey et ailleurs. Et donc son héritage, c'est-à-dire son héritage familial, mm-hmm. Mais aussi un héritage culturel. Oui. Cette question de l'héritage, elle est importante. D'ailleurs, Tony Soprano, il gère un petit peu aussi l'héritage de sa famille. Oui, alors Tony Soprano, c'est un personnage qui, comme son acteur James Gandolfini, est censé être né au début des années 60. C'est-à-dire au moment de la révolution culturelle, au moment du mouvement des droits civils, au moment de l'avènement de la contre-culture. Et pourtant, lui, il a les yeux fixés sur les années 50 mmh. et sur son héritage italo-américain. Une bonne partie de la série, donc sur ces 6 saisons, est consacrée à ce rapport particulier qu'a Tony par rapport à sa filiation italo-américaine, qui est aussi la filiation italo-américaine de David Chase. Mmh. On va peut-être revenir sur ce point, mais d'abord il faut parler du fait que quand même, dans le premier épisode et durant toute la série, Tony Soprano va donc voir sa psychiatre. Oui. Mais ça ne doit pas être facile d'être le psy d'un mafieux. C'est ce qu'on entend en tout cas dans cette séquence. I am drinking in between sessions. It's very serious. Just on the days je ne bois qu'un petit peu entre deux séances. I can't take it. J'ai déjà beaucoup trop. Attends, je ne fais ça que le jour où je dois le recevoir. Ça m'aide à tenir le coup. Ah, tu en parles enfin. Je suis content. Il est temps que tu songes à mettre un terme à cette analyse. C'est lui qui voulait arrêter. La dernière fois, il m'a dit qu'il ne voulait plus venir, mais je lui ai demandé de continuer. Pourquoi ? Si je travaillais à Sloan et qu'il est une tumeur pituitaire, tu penses que je lui demanderais de ne plus venir ? Je ressens ce qu'on sent quand on assiste à une catastrophe ferroviaire. J'éprouve de la répulsion pour ce qu'il peut éventuellement me dire. Et malheureusement, je n'arrive pas à m'empêcher d'avoir envie de l'écouter. Doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Alors le doublage n'est pas des meilleurs, hein, Florent Loulando, mais malgré tout, que retenez-vous de cette séquence ? Alors elle est assez emblématique du rapport qu'entretient le docteur Jennifer Melfi avec son patient préféré, certainement Tony Soprano. Préféré, pourtant elle dit qu'elle boit entre les séances avec lui. Oui, parce que Jennifer Melfi, comme le spectateur de la série des Sopranos, entretient un rapport forcément ambivalent à ce personnage. Parce que elle est censée l'aider, et en même temps, Tony Soprano, au-delà de son aspect un peu débonnaire de papa faire gentil, des blagues, jovial, très malin, oui. qui fait des blagues tout le temps, qui est drôle, qui a de l'humour. C'est aussi un criminel endurci, c'est parfois un sociopathe terrifiant. Et donc, elle est partagée, tout comme le spectateur, il me semble, entre une véritable fascination, une adhésion au personnage, presque parfois, elle est touchée par ses problèmes, et en même temps, elle est horrifiée parce qu'elle sait ce dont il est capable. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure des saisons, elle va se poser la question du bien fondé de cette psychanalyse. Est-ce que pour la société, c'est une bonne idée qu'elle aide un véritable sociopathe? Et comme vous le savez, puisque vous avez vu toutes les six saisons des Sopranos, Jennifer Melfi va renoncer à la fin à suivre Tony parce qu'elle a elle-même lu un ouvrage de psychanalyse indiquant que la thérapie aide les criminels à devenir de meilleurs criminels. Oui, et c'est en effet ce qu'il se passe. Ça renforce Tony Soprano, finalement, cette thérapie, oui. Ses mauvais penchants, pour le dire comme ça. Oui. C'est tout de même intéressant, ce thème de la dépression que le docteur Melfi apporte de par la thérapie qu'elle entretient avec Tony Soprano. C'est quoi, finalement, cette dépression qui est profondément ancrée dans chacun des personnages et qu'est-ce qu'elle veut nous dire finalement cette dépression et le fait de souligner comme ça dans la série. À l'origine, quand Tony Soprano vient faire cette psychanalyse, suivre cette thérapie, il y va à contre-cœur, mais il est bien obligé de s'y confronter parce qu'il souffre de crises de panique. Et ces crises de panique, évidemment, qui le font s'évanouir. C'est d'ailleurs la première scène de la première saison. Du pilote, voilà. Ces crises de panique, elles sont intolérables pour quelqu'un qui est un chef mafieux. Et donc, au fur et à mesure de cette thérapie, effectivement, le sujet principal, ça va être la dépression de Tony. Mais comme vous l'avez dit, on s'aperçoit aussi que un bon nombre d'autres personnages sont dans cette dépression. Son fils AJ au premier plan. Et cette dépression, qui est aussi autobiographique pour Chase. Et il a suivi une longue thérapie pour combattre aussi la dépression. Cette dépression, il me semble que dans Les Sopranos, elle va au-delà de cas individuels et que c'est en fait l'Amérique tout entière qui sombre dans la dépression. Et à cause de quoi? À cause du matérialisme, à cause de la perte des valeurs, c'est ça l'idée en fait? Oui, il me semble que c'est ça. C'est peut-être un thème qui était déjà traité par les films du Nouvel Hollywood, c'est-à-dire cette perte de l'innocence durant les années 60, l'assassinat de Kennedy, le Vietnam, la crise financière, tous ces thèmes qui étaient la réalité de la vie quotidienne des Américains dans les années 60 et 70, ont opéré une espèce de basculement dans la psyché américaine. D'où la nostalgie de Tony Soprano pour finalement les années 50, qui sont les années où l'Amérique était l'Amérique des pionniers, l'Amérique forte, et lui cherche vraisemblablement à être cet Américain-là. Tout à fait. Et les figures qui l'inspirent sont les hommes des années 50, c'est-à-dire au premier chef son père, Johnny Boy Soprano, qu'il admire profondément, mais en même temps, il doit bien avouer qu'il était quand même à la merci de sa mère lorsqu'on revenait à la sphère domestique. Il y a aussi les stars du Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr. et évidemment Frank Sinatra. Et puis surtout Gary Cooper. Ouais, parce que c'est d'ailleurs ce qu'il demande à tous les gens qu'il croise, et notamment à sa psychiatre. Mais qu'est-il arrivé à Gary Cooper? Voilà, Gary Cooper, qu'il décrit invariablement comme « the strong silent type », c'est-à-dire l'homme fort et silencieux. Ce qui débecte Tony Soprano, c'est cette nouvelle Amérique dans laquelle tout le monde s'auto-analyse en permanence, est dans l'introspection, et puis fait une démonstration de ses émotions et de ses sentiments qui va, selon Tony Soprano et peut-être un peu selon David Chase, souvent rejoindre un état victimaire. Ça le débecte. Et on retrouve dans les mots que vous employez un petit peu un clivage qui aurait pu être aux dernières élections présidentielles américaines, celui qui a séparé Hillary Clinton de Donald Trump. C'est l'Amérique de Donald Trump qu'incarne Tony Soprano? D'une certaine façon, oui, puisque c'est mafieux. Sont des gens qui aiment l'Amérique traditionnelle. Ils sont réactionnaires. Tony aussi, même s'il est souvent, c'est l'intérêt du personnage, c'est qu'il est aussi souvent traversé de tensions. Il est réactionnaire, mais il peut être plus progressiste que certains de ses camarades sur certains points. Mais Donald Trump, d'une certaine façon, me semble avoir été annoncé par Les Sopranos. Oui. Ouais. Alors, tradition versus contre-culture, on a vu de quel côté se situait Tony Soprano, et en même temps, la complexité dont vous venez de parler. C'est vrai que le thème du double est très présent dans Les Sopranos. C'est comme s'il avait deux visages, Tony Soprano, Florent Loulandeau. Absolument, c'est ce qui en fait à mon sens le personnage le plus intéressant de ce fameux troisième âge d'or de la télévision américaine. Et puis, c'est en cela aussi qu'il annonce tous ces anti-héros, Don Draper de Mad Men, ou bien Walter White dans Breaking Bad, c'est qu'il est toujours ambivalent. Ouais. Et ça se retrouve parce qu'il est en miroir aussi avec d'autres personnages qui sont lui, oui, mais d'autres déclinaisons de lui. Oui, quasiment à chaque saison, effectivement, il y a un double de Tony Soprano. Ça peut être le personnage interprété par Steve Buscemi dans la saison 5, qui s'appelle aussi Tony Blundetto, qui lui a fait de la prison et ressort après plusieurs années et veut sa place au sein du clan. Ça peut être la sœur de Tony Soprano, Janice, qui elle pour le coup a été baignée dans la contre-culture, donc c'est une autre potentialité de Tony Soprano, un chemin que finalement il n'a pas pris. Exactement. Et puis il y a aussi ces doubles fantasmatiques. Il y a tout un épisode qui est consacré à le personnage qu'aurait pu être Tony Soprano s'il n'avait pas été le fils de Johnny Boy Soprano. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Florent Lulindo, juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, c'est aujourd'hui avec vous Pierre Croze, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Florent. J'ai envie de vous appeler Peter Cross aujourd'hui parce que vous avez un homonyme américain qui est l'un des acteurs principaux de Six Feet Under dont on parlera ici mercredi et un peu jeudi aussi. C'est celui qui joue le personnage de Nate, vous le saviez ça j'imagine? Oui, dans Six Feet Under il y a un autre personnage, Brian Cross, un autre acteur. Donc c'est une grande famille du cinéma américain parce que je rejoindrai un jour. Oh mais sans doute. Est-ce que déjà vous avez vu l'intégralité des 6 saisons des Sopranos? Non, malheureusement non. Bon, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé la première saison et je me suis malheureusement arrêté là, il faut que je reprenne un jour. Ah ben oui, il faut faire son travail. Alors, vous ne nous parlez pas d'une série mais d'un guide aujourd'hui, Pierre. Quel guide? Eh bien oui, alors l'été arrive, il fait de plus en plus chaud malgré la pluie. Et une lectrice, Laure, a eu l'idée sur Babelio de proposer une liste des meilleurs endroits pour se rafraîchir dans la littérature et plus particulièrement dans les littératures de l'imaginaire, donc c'est-à-dire les ouvrages de science-fiction, de fantasy ou autres romans fantastiques, ou boire un verre à prix moyen, c'est le nom de son guide sous forme de liste, qui regroupe donc les meilleures adresses pour se désaltérer. Si d'aventure vous preniez cet été le chemin de la littérature, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ah bah oui, mais alors quelles sont les meilleures adresses à recommander dans la fantasy? Voilà, je vous suggérerai quelques adresses parmi la liste. Si vous vous aventurez cet été dans la Terre du Milieu, en attendant peut-être la nouvelle adaptation en série télé du Seigneur des Anneaux, eh bien je vous suggère de passer par le pays de Brie pour faire une halte au poney fringant, célèbre auberge de la Terre du Milieu, où humains et hobbits ont l'habitude de se retrouver. Vous pourriez même y découvrir d'étranges voyageurs partis comme vous dans de quêtes périlleuses. Alors c'est un roman jeunesse, mais il y a plusieurs lieux de perdition dans Harry Potter. On sait que c'est dans un café à Édimbourg que J.K. Rowling a écrit une partie de l'histoire d'Harry Potter. Et les cafés, les pubs et les bars ont un rôle important dans le récit. Alors si vous voulez goûter à la fameuse bière au beurre, whisky pur feu, à consommer avec modération bien entendu, à l'hydromel aux épices ou encore au rhum à la groseille, eh bien rendez-vous, allez, dès ce soir, au pub Les Trois Balais, sans Hermione hélas, qui fidèle à elle-même, trouve que c'est toujours plein de monde et beaucoup trop bruyant. Mais évidemment, alors bon, on vient de parler d'ouvrages de fantasy, qu'en est-il pour la science-fiction, Pierre? Alors peut-être connaissez-vous à Paris le dernier bar avant la fin du monde, c'est un bar qui est vers Châtelet. Il s'inspire d'un restaurant que l'on trouve dans le deuxième tome du Guide Galactique de l'écrivain anglais Douglas Adams, le dernier restaurant avant la fin du monde. Un restaurant que l'on peut retrouver en voyageant dans l'espace, mais aussi dans le temps, et précisément juste avant la fin du monde, d'où le nom du restaurant. Heureusement, vous aurez normalement l'occasion de vous éclipser avant l'apocalypse. Enfin, il faudra juste pas s'attarder pour le café. Enfin, une dernière adresse piochée dans la liste. Après avoir affronté les vents terribles imaginés par Alain Damasio dans son œuvre culte La Horde du Contrevent, ben vous mériterez peut-être une boisson chaude cette fois en vous reposant à la Carapace, un bar de la ville d'Alticcio. L'occasion éventuellement de faire une joute oratoire avec les habitants de cette ville. Donc voilà, quelques idées d'adresses de bars dans les littératures de l'imaginaire. Il y en a beaucoup d'autres à retrouver dans la liste proposée par la lectrice Laure sur Babelio. D'accord, et alors cet été, est-ce que les membres de Babelio vont pouvoir se retrouver dans la vraie vie autour d'un vrai verre? Oui, alors il n'y aura sans doute pas de bière au beurre, mais oui, on propose un pique-nique le 8 juillet pour les membres de Babelio, mais aussi pour les lecteurs et auditeurs de France Culture. Tout le monde est évidemment le bienvenu. C'est l'occasion de parler de livres et de se rencontrer. On propose des jeux et des livres à gagner, de la rentrée littéraire à gagner. Alors on fait ça à Paris, au parc de Bercy, mais aussi dans plusieurs villes de France et du monde francophone. On propose un événement similaire le même jour, donc le 8 juillet à Bordeaux, à Bruxelles, Casablanca, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Montréal, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Tunis. Donc Mathieu et Florent, si vous n'avez rien de prévu, eh ben, venez nous rejoindre. Bon, nous, on n'a rien de prévu. Avec plaisir. Merci Pierre Croz. Tout cela, bien plus encore, à retrouver sur le réseau social littéraire babelio.com. C'est la suite de La Compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons des Sopranos, fiction télévisée qui est l'un des socles de ce genre aujourd'hui tellement prisé. Mon invité est Florent Loulandeau, co-auteur avec Frédéric Foubert du livre Les Sopranos, une Amérique désenchantée. C'est aux presses universitaires de France. There was a plan. We had a plan for Tony's emotional growth or lack of growth throughout the first season. Nous avions un plan concernant le développement émotionnel ou l'absence de développement du personnage de Tony Soprano durant la première saison. Notre idée était la suivante. En se basant sur nos expériences ou souvenirs de thérapie, on a constaté qu'on arrive toujours à un point où on dit « ma mère a fait ci, ma mère a fait ça ». Et après ces réflexions, le psy arrive toujours à un point où il dit « ok, vos parents sont comme ça, qu'est-ce que vous attendez ?» Un psy m'a dit un jour, qu'est-ce que vous voudriez faire ? Envoyer votre mère au bûcher ? C'est votre mère, vous ne pouvez rien y faire. Nous sommes donc arrivés à ce point dans la série, et le but de la deuxième saison était d'amener Tony à réaliser qu'il est son propre pire ennemi. Il devait réaliser qu'il est lui-même à l'origine de sa propre destruction, et qu'au final, ses problèmes ne viennent que de lui-même, comme c'est le cas pour chacun de nous. Au final, on n'a pas d'excuse pour qui on est. Vers la fin de la saison, on a pris un tournant. J'ai brusquement réalisé que j'étais fatigué des personnages faisant la morale. Je me suis rendu compte que Tony Soprano est un gangster, un mafieux, fin de l'histoire. Et je pensais que c'était aussi nécessaire de rappeler l'audience. This is a mobster. This is a gangster. J'ai pensé qu'il était nécessaire de rappeler ça au public. Tony est un gangster, un mafieux. Vous pouvez le trouver sympathique, mais il reste un homme extrêmement effrayant. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. David Chase, dans une traduction de Lorraine Travaglichanal. Que retenez-vous de cet extrait d'interview, Florent Loulandeau? Que Chase présente Tony Soprano comme son propre pire ennemi, c'est sans doute vrai, mais il me semble que l'ennemi qu'il a affronté en premier, c'est quand même sa mère. Et quel ennemi. Et quel ennemi redoutable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, comme on le disait plus tôt, Chase voulait absolument que ce personnage de mère horrible soit au centre de sa série. La famille est le sujet principal de la télévision américaine, que ce soit dans les sitcoms ou les séries plus dramatiques. Donc, d'une certaine façon, il s'inscrit quand même dans une certaine tradition télévisuelle. Dans Six Feet Under, dont on parlera aussi cette semaine, la famille est également au centre. Exactement. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le prisme de la série mafieuse ou du film de mafia, les tensions familiales sont exacerbées par le fait que Si on déteste sa mère ou si votre mère vous déteste, il y a certainement des tueurs à gages qui peuvent s'occuper de cela. Donc en fait, on part des problèmes psychanalytiques d'un homme lambda qui vont, dans la réalité, aboutir à des meurtres probables. Donc on est dans une métaphore de quelque chose ici, Florent Lollandeau ? Il me semble qu'on est à la fois dans la réalité et dans la métaphore. Et c'est ce qui fait la force certainement de la série. Une métaphore de quoi alors ? Une métaphore de quoi ? Eh bien peut-être de cet homme blanc de la fin du XXe siècle qui est un peu perdu. Il a perdu son statut de figure d'autorité. Le féminisme est passé par là. Et il ne sait plus trop où il en est, il me semble. D'ailleurs, la mère, finalement, de Tony Soprano, c'est pas qu'elle soit tellement féministe, mais en attendant, elle n'est pas non plus la mère des films de mafieux, de Coppola, Scorsese ou Wellman, dont on parlait tout à l'heure. Parce que là, c'était quand même des femmes qui s'occupaient de la famille. Oui. Alors ce personnage, il est incroyablement joué par Nancy Marchand. Effectivement, il est très éloigné des figures maternelles qu'on avait pu voir jusqu'ici dans les fictions mafieuses. C'est une mère qui contrôle les autres personnages. Elle n'est pas du tout là, effectivement, pour aider qui que ce soit, mais bien pour manipuler, exactement. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure du film L'ennemi public. Il y a un épisode qui s'appelle Au revoir petite Livia, un épisode qui est dans la saison 3 et qui se passe après le décès de la mère de Tony Soprano. Livia, c'est le nom de la mère de Tony. Livia, c'est le nom de la mère. Lorsqu'elle meurt, Tony hésite entre le déni et la satisfaction d'être enfin débarrassé de ce dragon. Mais lorsqu'est diffusé le film L'ennemi public, qu'il va regarder lui-même dans son salon la nuit tout seul, il va être confronté à un personnage stéréotypique de mère affectueuse. C'est là qu'il va pleurer parce que il va comprendre à quel point peut-être sa mère était aux antipodes de ce qui est censé être une mère maternelle. Oui. Oh, lui n'a peut-être pas été un très bon fils non plus. Alors, il y a un autre personnage de femme qui évidemment est primordial, c'est la femme de Tony Soprano, Carmilla. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle, Florent Lollandeau ? Alors, Carmilla, qui est interprétée par Edie Falco, actrice qu'on a déjà vue dans Oz auparavant, est une espèce d'Emma Bovary de la banlieue américaine. D'ailleurs, David Chase avait dit « Tony Soprano, c'est moi hein. ». Voilà. Donc la référence à Emma Bovary était assez claire. Tout à fait claire. Était assez claire. Il va même aller jusqu'à faire lire Emma Bovary par Carmilla dans la série, mais cette pauvre Carmilla en lisant le roman ne va pas bien voir que le roman parle d'elle-même. Donc en fait c'est une femme qui est prisonnière de son ambition et de ses désirs. C'est une femme qui aime le pouvoir, qui aime l'argent, qui aime le fait que Tony soit craint universellement. Elle aime qu'il tue des gens, c'est une excitation sexuelle pour elle. Exactement, dans plusieurs scènes des Sopranos, on la voit au comble de l'excitation après que Tony ait massacré des ennemis. Mais sa tension intérieure se joue au niveau moral, c'est-à-dire qu'elle se rend compte au fur et à mesure de la série qu'elle a compromis moralement ses enfants, elle-même, mais surtout ses enfants, qui sont tout ce qui leur appartient, tout ce qui est légué par Tony, est le fruit des crimes de son mari. Elle va essayer de le fuir plusieurs fois. Et n'y arrivera jamais. C'est impossible de divorcer de Tony Soprano parce que personne ne peut s'attaquer à Tony Soprano. Il tient en effet trop de ficelles. Voilà. Et puis plusieurs hommes vont s'intéresser à Carmela au fur et à mesure de la série, mais aucun n'aura le cran de s'affronter, Tony. Ouais. Et Tony va les écarter un à un. Le divorce qui se laisse entrevoir à un moment n'aura pas lieu. Et puis finalement, les pulsions peut-être un peu archaïques de Carmela, sa fascination pour la puissance de son mari, la rattrape toujours. Et dans le dernier épisode des Sopranos, la famille est réunie. C'est un couple qui tient, la maman et les enfants. Le couple tient malgré tout. Oui. Ouais. Il y a un moment où Carmela va à Paris en voyage et elle est sur le pont Napoléon III. Elle regarde les statues et elle a comme une sorte d'épiphanie. Oui, c'est un épisode. On parlait de la dépression tout à l'heure. C'est un épisode particulier dans le sens où on va s'intéresser d'un peu plus près au personnage de Carmela, qui pour une fois peut se séparer géographiquement et mentalement de son mari. Elle s'offre un voyage à Paris, mais malheureusement, au lieu d'arriver à en profiter comme l'amie avec laquelle elle est partie, le seul effet que ça va lui faire d'être dans cette ville qui contrairement peut-être au New Jersey, a une histoire centenaire, millénaire. Toutes ces vieilles pierres, c'est le nom de l'épisode, il me semble, Cold Stones, toutes ces vieilles pierres vont en fait la plonger dans la dépression. Et c'est effectivement allié à cette compromission morale peut-être qui est la sienne, à sa position intenable. De femmes, de criminels. Alors, il y a la mère, la femme, et puis il y a les enfants. Il y a même des enfants qui sont des enfants un peu symboliques, qui ne sont pas des fils à proprement parler, mais je pense à Christopher en particulier, où là aussi, c'est un enfant qui se fait assassiner par son père, Tony. C'est quoi la question de la filiation dans Les Sopranos pour vous, Florent Lollandeau? Alors, étant donné que la question de la masculinité et de l'héritage est centrale dans la série, la question de la filiation l'est aussi. Tony hérite de la mafia du New Jersey parce que son père en était l'un des boss. Comme il hérite d'une entreprise, en fait. C'est un business à faire tourner. Exactement, voilà. Et donc la question se pose forcément pour lui de savoir qui sera son héritier. Et il y a effectivement deux héritiers possibles, soit son propre fils, soit Christopher, qui est une espèce de neveu, qui fait déjà partie de la mafia. Ce qui est intéressant avec Tony, c'est qu'il ne souhaite pas que son fils prenne prenne son rôle dans le futur. Et c'est là que peut-être la psychanalyse l'a un petit peu aidé. Il ne veut pas, il ne souhaite pas ça pour son fils. Il pense de toute façon qu'il n'a pas les épaules. Donc l'autre possibilité, c'est Christopher. Mais Christopher, il a aussi ses défauts. C'est un drogué. Il a des ambitions artistiques qui lui font penser plus à Hollywood qu'au New Jersey. Et comme vous l'avez dit, dans une des scènes les plus glaçantes de la série, alors je suis désolé pour les spoilers, Tony va profiter d'un accident de voiture pour tuer ce fils trop imparfait. Et là, justement, c'est peut-être une espèce d'acceptation de la société américaine en train de changer quand vous dites que finalement il accepte que son fils ne reprenne pas le flambeau mafieux. Voilà, c'est une Amérique un petit peu plus douce. Tout est très relatif. De la même manière que Christopher, alors lui, ça finit mal pour lui, mais c'est l'art qui l'intéresse. C'est une espèce de prise en compte quand même d'une société qui malgré tout évolue. Oui, exactement. C'est pour ça que il me semble que le personnage de Tony Soprano n'est pas un personnage statique. Il n'est pas que le père réactionnaire qu'on perçoit au début de la série. Il va évoluer un petit peu. Et c'est d'ailleurs le constat de Chase lorsqu'on lui demande, d'après lui, quelle est l'évolution du personnage. À la fin de la série, le fils va probablement travailler pour Hollywood, sa fille a aussi trouvé sa voie en tant qu'avocate, Et même s'il reste dans la communauté italo-américaine, ils ne deviendront pas des mafieux. Le générique de cette série, Florent Loulando. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un thème que vous avez commencé d'évoquer, c'est les Italo-Américains et leur peinture dans cette série-là. Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant à noter de ce point de vue-là? C'est quand même le grand sujet de la série. Un des grands sujets. Un des grands sujets. Peut-être qu'on pourrait commencer par dire que la première saison des Sopranos a eu pour effet de provoquer une levée de bouclier d'une partie de la communauté italo-américaine qui n'a pas du tout aimé être représentée sous les traits des Sopranos. Et voilà. Néanmoins, il me semble que Chase, il évolue entre tendresse et cruauté quand il dépeint ce milieu qui est le sien. Qu'il connaît un tout petit peu parce que dans sa famille, il y a quelqu'un qui appartient à la mafia et à un moment donné, il a pris rendez-vous avec lui, ça devait être au moment de la deuxième ou de la troisième saison, se disant que peut-être il aurait comme ça des informations de première main. Et puis finalement, ils se sont tous les deux ravisés, ils se sont dit « c'est peut-être pas une si bonne idée que ça ». Oui, c'est ça. Donc apparemment, il aurait effectivement une espèce de cousin lié à la mafia. Donc effectivement, le milieu mafieux à proprement parler, il le voit de l'extérieur. Il avait sur la série, il avait des conseillers qui venaient soit du milieu criminel, soit plutôt du côté judiciaire. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que cette communauté italo-américaine, il la présente sous différents aspects. On n'y voit pas que les mafieux. On y voit aussi une certaine élite bourgeoise italo-américaine, parfaitement bien adaptée et intégrée à la société américaine. Comme par exemple Jennifer Melfi, la psychanalyste, ou bien ses voisins, les cousins Mano, qui sont toujours là pour représenter l'autre avec un grand A, c'est-à-dire l'autre italien, l'autre italo-américain. On a un peu les deux aspects dans la série. Et puis toujours l'héritage, parce qu'il y a cette Italie rêvée, où finalement Tony Soprano aimerait retourner vivre, mais l'Italie qu'il s'imagine, elle n'est évidemment pas comme l'Italie réelle, et eux-mêmes n'ont plus rien d'italien d'une certaine manière. Alors, je n'irai pas juste qu'à dire qu'ils n'ont plus rien d'italien, parce que une des tension inhérente au personnage de Tony Soprano, c'est la tension entre l'individu et la communauté et la famille. Et ça, c'est peut-être quelque chose quand même de spécifique aux Italo-Américains. Chase dit souvent que le cinéma américain s'intéresse à l'individu alors que le cinéma européen est censé s'intéresser à la famille. On retrouve les deux dans les Sopranos. Et en ce qui concerne l'Italie, il y a effectivement un magnifique épisode qui se passe à Naples. Tony part à Naples avec quelques-uns de ses plus proches conseillers. Aucun d'entre eux ne va réellement arriver à pénétrer cette société italienne. Ils vont rester assez extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est que David Chase va s'offrir un petit caméo dans cet épisode, et lui-même va se donner un rôle de pur italien napolitain qui regarde un peu avec morgue ces touristes américains. Voilà, ils sont que ça finalement, ils sont des touristes américains. Finalement, c'est quoi, Florent Loulando, la vision de la vie que propose David Chase à travers cette série, selon vous? Grande question. Oui, grande question. Parce que quand même, au cours de ces 86 épisodes, beaucoup de sujets sont évoqués. La vision de la vie, Il me semble que Chase a clairement une vision assez pessimiste et nostalgique de la vie, ou en tout cas de l'être américain. Oui. Sans morale, il n'y a pas de morale transcendante dans les personnages des Sopranos. Non, il me semble qu'une des conclusions auxquelles on était arrivé avec Frédéric Foubert en écrivant ce livre, c'était que finalement ce qui unissait tous les personnages, puisque la religion est devenue une coquille vide, la culture est plutôt un vernis, ce qui unit tout le monde, ça serait plutôt l'argent, il me semble. Eh bien, merci beaucoup, Florent Loulando, pour cette première analyse des Sopranos. Merci. On peut découvrir davantage ce que vous pensez de cette série en se procurant votre livre, Les Sopranos, une Amérique désenchantée, paru au PUF en 2017. Et puis, je signale que vous avez traduit l'ouvrage Friedkin Connection, les mémoires d'un cinéaste de légende, paru en 2014, chez La Martinière, réédité en Point en 2017. Demain, nous continuerons notre exploration de cette série, Les Sopranos, et nous serons pour ce faire en compagnie d'Emmanuel Burdeau. Mais avant cela, et comme chaque jour, c'est le moment de la poésie, et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Au retour du marché de la poésie, nous avons dans notre panier L'Emporte-Voix, qui est un texte de Bruno Doucet, écrivant en tant que poète. Dans un entretien, il dit « Aujourd'hui, c'est une rage qui m'anime, une rage de vivre et d'éditer de la poésie, de prouver que le modèle économique est possible, de tenir contre vents et marées, de refuser toute reddition. L'abécédaire de mon métier d'éditeur commence par le A de Antigone. Cette petite maigre là-bas, la vois-tu mon ami? Tu peux être sûr qu'elle ne lâchera rien. Elle a de l'ardeur pour deux parce qu'elle rêve d'un autre niveau de la vie, comme le disait Henri Beauchaud. Nous sommes nombreux à croire le bonheur possible avec elle. » Dans le livre, L'Emporte-Voix, il y a cet hommage d'Yvon Lemaine, « Conduire ses vers par la prose de la vie ». Combien de poèmes dans le mot poème, adressé à Bruno Doucet. Combien de poèmes dans tes poèmes, ils ont les yeux plus gros que tes yeux d'avoir mangé des images au sud, au nord, à l'est et même à l'ouest. Les images de ceux qui marchent à côté d'eux et près de nous. On ne les voit plus, mais tu les regardes. Tu leur donnes des mots pour qu'on les voie. Des images pour qu'ils se voient. Combien de poèmes dans tes poèmes qui ont lu tant de poèmes du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Ça n'est pas tous les jours dimanche, ça n'est pas tous les jours poème, même dans les poèmes où tu conduis tes vers par la prose de ta vie. Suspendons l'énigme, nous y reviendrons demain. Écoutons Katia Boutchoueva dans la même édition La Passe du Vent, équiper les anges et dormir, dormir, dormir. Ce titre étrange, La nuit d'un agent, au peuple impalpable, au manque de caractère, d'eau, d'air, d'herbe, de vie, en tant que responsable des espaces verts, je dis, c'est gris, comme le chat dans la nuit, comme l'envers de mes poches, comme la ville quand la pluie lui roule une galoche, ne lui voulant ni du bien, ni du mal, mais avale la salive et approche, le verre, la tartine, le morceau de l'étoile, aïe aïe, blesse la bouche et heurte la sacoche, la grille du parc baille, les rails s'effilochent, ciao, bye bye, le dieu déglingué du rock, le dieu attentif de la musique classique, le dieu shooté de l'électro, le dieu rigolo du jazz manouche, termine leur boulot, ferme la boutique, crame le dernier encens, se couche sur les bouches des égouts, sur les rails du tram, c'est gris. Gauguin et Matisse interdits, censurés pour la forme. Le fond de l'œil murmure, énorme, énorme, mes agents d'entretien et mon chef de service dorment. Qui absorbe et caresse les lobes du cerveau, vagabond et flash mob, bac et balle. Code couleur d'Interpol dans le ciel, timides et novices, mes agents d'entretien et mon chef de service voient. Nous ramasserons la merde, éclairerons la boue et étoufferons le son pourrave. Au fond d'un puits, l'étoile polaire pleure et en bave. Personne n'a été tué cette nuit, sauf nous, mais c'est pas grave. Jacques Bonafé, merci à vous pour ces lectures de Bruno Doucet, Yvon Lemaine et Katia Boutchoueva.